Bien le bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir, et oui, je dis souvent ça, mais c'est vrai, c'est un plaisir de faire cette émission-là et de partager avec vous la richesse de la musique franco-canadienne. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai du Chloé Bro, j'ai les Hôtesses d'hiver, l'album La Semaine, côté A de Étienne Fletcher, j'ai aussi du Swing, j'ai du Étienne Beausoleil, Madrigaya, Véro, Pontex et bien d'autres. Donc restez là, je vous reviens bien sûr dans quelques secondes avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne sur les ondes de votre radio préférée. Bienvenue à Canrock, ici Lalonde des ondes et comme à l'habitude, permettez-moi le temps de remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous, de vous offrir deux heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes, CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CIFA B. Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH, la radio francophone du comté Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Il y a Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Allons-y que le bloc des Maritimes, si vous voulez bien, et comme je le fais depuis le début de l'année 2019, on va commencer ça avec une chanson souvenir. Je vous ramène à l'album de Près d'en haut à Bois-Joli. Premier album de Bois-Joli, assez intéressant, merci. Avec une excellente chanson qui se retrouve sur cet album-là. C'est tout simplement Mon Acadie, chantée par M. Georges Béliveau. Et c'est vraiment une très belle chanson. Et Georges Béliveau, qui a connu et qui connaît toujours une très bonne carrière, très, très bon compositeur, interprète, arrangeur, réalisateur, etc. On l'écoute avec son groupe Bois-Joli. Voici Mon Acadie. Les chants de foin dans tous les coins ont la mémoire. Ils chantent à tous, je vous l'avoue, il faut le croire. La pensée d'hier, c'était misère en grande couleur. L'histoire du jour est une amour vient du cœur. Mon Acadie, toi si jolie, tu es si belle. Je pense à toi, chaque fois je me rappelle d'un et ancien qui m'entretient à grande gloire. Mon Acadie, c'est mon pays, c'est mon histoire. Ces fleurs, saisis leur valeur, garde-les bien. Fils d'Acadie, prends aujourd'hui ce qui te revient. Promesses du jour font leur retour, prends-en bien soin. Agis du cœur, l'ancien d'honneur te rejoint. Chaque fois, je me rappelle d'un vieil ancien qui m'entretient à grande gloire. Mon Acadie, t'es mon pays, t'es mon histoire. West, amen. Voilà, Chloé Bro avec West, très bonne chanson tirée de son petit EP Love. Et elle était du côté de Montréal, Chloé Bro, pour participer à une rencontre organisée par Grenier Musique, le Grenier Musique qui veut charmer le Québec avec des artistes acadiens de demain. On a entendu Chloé Bro lors de cette rencontre-là. Il y avait également Émilie Landry qu'on va entendre dans quelques instants. Donc, ça s'est fait du côté de Montréal dans le cadre de la rencontre de l'Alliance de la musique folk. Sur ma page de Facebook de CanRock, CAN-ROCK. Vous pouvez voir un petit clip justement de la chanson West de Mme Chloé Bro. On va entendre justement Émilie Landry qui faisait partie de cette présentation-là. On va l'entendre avec Dans le Nord. Et par la suite, on va entendre les hôtesses d'Hilaire parce que c'est le temps, chers amis, de vous inscrire au gala de chansons de Caraquette. Le gala de la chanson de Caraquette, les inscriptions, c'est jusqu'au 5 avril. Donc, dépêchez-vous, allez faire un tour à galadelachanson.ca. Et les participants qui seront, les finalistes qui seront là au mois de d'août pourront avoir des ateliers d'écriture avec Marc Derry. Il y aura Diane Lausier aussi en interprétation. Il y aura des ateliers de technique vocale avec Éric Thériault et Serge Brideau de la formation Les Hôtesses d'Hilaire présentera une session, un atelier de scène, hein, la présence scénique et la mise en scène d'un spectacle. Donc, beaucoup, beaucoup de choses pour les finalistes de la chanson de Caraquette 2019. Donc, allez faire un tour, gala de la chanson de Caraquette 2000, gala de la chanson.ca, c'est là pour vous inscrire. On va les entendre, les hôtesses d'Hilaire, avec Pousse ma note dans quelques instants. Il y aura également Tommy Bolger avec Mauvais sort. Mais là, on y va avec Émilie Landry et voici Dans le Nord. Je fous tel qu'un à 200 000 à l'heure vers un autre continent. J'ai vraiment mon voyage de faire la sédentaire et de faire ton ménage. Vais te ramasser pour de bon. Je pars à 6 heures du matin, un post-it dans le salon qui dit je reviendrai pas. Tu peux bien courir, mais tu me rattraperas pas. Je pars en road trip avec ton chien qui part dans le nord, avec ton char. Je pars en road trip avec ton chien qui part dans le nord, avec ton chien puis ton chat. Quasiment viré de bord. 9 heures j'en viens pas. J'ai gagné. Ça a commencé avec les auditions à l'aveugle. J'étais stressé, mais ça a bien été. Les quatre coachs ont spiné sur leurs chaises. Ils sont tous tournés pour moi. Et j'étais content. Mais c'était avec le début, là. Après ça, ils m'ont envoyé dans le ring de boxe. Oh, ça, c'était pas facile. J'étais face à face avec un autre chanteur. Fallait que je chante de tout mon cœur. J'ai pris toutes mes notes. J'ai fait un gros point de note. J'ai fait un uppercut de note. Une gauche, une droite de note. Puis j'ai plus poussé ma note que lui. Pareil comme Rocky contre Mr. T. Puis j'ai passé à la prochaine round. Là, j'ai embarqué sur le gros stage. Là, j'ai senti que je pouvais pousser ma note encore plus loin. J'ai tellement fait résonner ma note qu'elle a résonné jusqu'en Acadie. Puis là, toute l'Acadie a voté pour moi. Je suis champion, pas parce que j'ai poussé la note, parce que j'ai poussé ma note. La note, il faut pousser sa note. Moi, je l'ai trouvé ma note. Puis savez-vous quoi? Tout le monde a sa propre note en dedans de soi. Faut juste fouiller dans son intérieur pour la trouver. Moi, elle se cachait dans mon ventre. Puis je l'ai fait monter à travers mon œsophage. Elle a passé par mes poumons pour ensuite faire vibrer mes cordes vocales pour qu'elle résonne dans toute la salle, dans tous les cœurs de mes fans qui m'écoutaient à la maison. Puis sais-tu quoi? Ça a marché. Mais là, je commence mon grand périple. Mais faut que je sois à la hauteur à chaque soir. Parce que je vais remplir des stades, des arénas. Puis tout le monde va me donner de la belle énergie. Puis moi, faut que je la reçoive, cette belle énergie-là. Pour que je l'amplifie dans mon corps. Pour que je leur redonne encore plus fort. Ça va être un gros feedback d'énergie positive. Une symphonie de frissons. Je le sens déjà. On va tous chanter ensemble. Des refrains à l'unisson. Des chorales de 10 000 personnes à chaque soir qui vont pousser avec moi. Moi j'ai envie de la pousser. On la pousse toutes ensemble. Caméra, loin des lumières, Julia, elle est là, puis elle watch. Puis elle attend le bon étalant. Et elle acquiert pas. Acquiert pas, c'est un carré, et elle va te faire fêter dans un rang. Quand elle prend un cheval dans son écurie, crains pas, elle fait toujours un champion avec. Elle finit tout le temps par gagner. Quand je serai rendu en avant, prends ton temps, je vais mettre mon pied un peu sur le frein. J'aurais bien dû me douter que tu me jouerais dans le dos, que tu te préparais pour le parfait complot. J'ai laissé ma maison, j'ai vendu mon char pour tes yeux et ton corps. J'ai laissé tous mes chums pour devenir ton bon. Je voulais devenir un homme. Tu me disais, y'est pas pas trop tard pour partir à zéro. Mais ma belle, il me semblait que j'étais un poids sur ton dos. Pourquoi là tu reviens à quatre pattes devant moi après que tu m'as laissé débouler l'escalier? As-tu déjà oublié les soirées que t'as passé à courir dans les bars? T'arrivais à maison, moi couché sur le divan, j't'attendais comme un con. Tu joues avec mon cœur, pourquoi fallait que ça tombe encore sur mes épaules? Je m'étais pourtant promis que je tomberais plus dans le panneau, mais faut croire que la chance, ben, elle me colle pas à la peau. Nouveauté radio pour Tommy Bolger, tiré de son album éponyme. Ça s'appelle tout simplement « Mauvais sort ». Très, très bonne pièce, ce jeune-là. Je trouve ça intéressant ce qu'il nous propose. Un bon rock bien solide. Donc, puis je pense qu'il avait participé avec son groupe Loup Marin au gala de la chanson de Caraquette l'année passée ou l'année d'avant, je pense. Donc, très bon groupe, Loup Marin. Mais ça, c'est un projet solo de Tommy Bolger. Mauvais sort, très bon album qu'on peut se procurer via Distribution Plage en passant. Je ne l'ai pas mentionné encore aujourd'hui, mais c'est tout simplement www.plage.net pour découvrir l'excellent produit acadien, dont le prochain qui va terminer la boucle du bloc des Maritimes, Monsieur Simon Daniel avec Rue Jones. Y'a rien qui me brasse. Le plancher craque sous mes pieds. Une tache de café dans le fond de ma tasse. La dernière trace que j'ai laissée. Les murs ont vécu ma dissonance. Les pièces sont saoulées, mes nuits. J'ai trouvé une résonance, puis j'ai fait du bruit. Il restera l'émotion.